Une dernière petite demi-heure à passer ensemble, le temps de vous offrir la musique de l'Ouest canadien et qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Eh bien, on va commencer ça avec un peu de hip-hop, si vous voulez bien. Et puis, c'est pour parler d'une tournée qui a lieu en ce moment avec Sean Jobin et Alpha Toshinesa. Donc, une belle soirée de musique hip-hop l'Ouest canadien. Sean Jobin est bien sûr de la région de Saskatoon, si je ne me trompe pas, en Saskatchewan. Et Alpha Toshinesa est du Manitoba, de Winnipeg, Saint-Boniface. Donc, les deux s'unissent pour une tournée qui les amènera en Saskatchewan, mais aussi ça les amènera du côté de Ottawa à la fin octobre, après quoi ils s'en vont à Québec. Il y aura tout simplement Winnipeg également. Et aussi, il y a White Horse Yukon, ça sera vers le 23 novembre environ. Donc, petite tournée comme ça de musique hip-hop très intéressante parce que j'adore le style des deux artistes. Donc, on va entendre dans quelques instants la pièce titre du dernier album de M. Sean Jobin, la pièce « Éléphant ». Et par la suite, on va entendre la pièce titre de M. Alpha Toshinesa. Son album s'appelle Jazz Inuit. C'est une pièce que je n'ai pas jouée énormément. Donc, je vais l'offrir avec grand plaisir. Donc, les gens là de la Saskatchewan et de Winnipeg, de Whitehorse, préparez-vous. Deux bons artistes hip-hop s'en viennent chez vous, soit Alpha Toshinesa et M. Sean Jobin, qu'on écoute à l'instant même avec, comme je vous disais, la pièce titre de son dernier album. Ça s'appelle tout simplement « Éléphant ». Est-ce que quelqu'un m'aurait entendu pleurnicher comme un gamin quand j'avais le couteau sous la main avant de couper dans son destin? Le poids sur ma conscience pèse rien face à la lourdeur de mon cœur, c'est mon pouls qui bat des solos. J'ai foiré cette fois-ci et sur des faces et mes manies, des amis minimalisés se sont sauvés tels que des animaux visés et je suis resté figé. Et si j'ai la chance de vous revoir un jour, sachez que mon éléphant est mort. I can remember when the word was out, the word was out. I can remember when the word was out, the word was out. All the flaws shall fight. I can remember when the word was out, the word was out. I can remember when the word was out, the word was out. All the flaws shall fight. Les feuilles de mon calendrier tombent aussi vite que les saisons. Se bouscule pour arriver à nous faire perdre la raison. On prend de l'âge, forcément la vie nous responsabilise. Nos efforts se mettent à répondre et ça nous déstabilise. Je m'ennuie de toi plutôt de t'avoir eu comme bouc émissaire. Durant mes bouts de misère, je me faisais rare comme un hibou en hiver. Je m'ennuie de toi plutôt de t'avoir eu comme échappatoire. Maintenant tout ce qui reste de mon éléphant, c'est son squelette dans mon placard. De moi la main, l'ami, oublie tes sales manies. Et si c'est ça la vie, tu sollicites, mais qui salit l'essence qui t'alimente. C'est ton futur qui t'initie sans pitié qui te dit que c'est fini. Forme de symphonie, symphonie de tes agonies. On brasse la vie comme elle est mêlée à mon avis. On brasse la vie comme elle est mêlée à mon avis. I can remember when the word was out, the word was out. I can remember when the word was out, the word was out. All the flaws shall fly. I can remember when the word was out, the word was out. I can remember when the word was out, the word was out. 2, 1, 2. Est-ce que tout le monde est là? On va faire ça comme il faut. S1 à la prod. Malone sur le mic lui aussi. Alpha. Ouais. Ça fait 1 pour mes rappeurs et 2 pour mes taggers, 3-4 pour mes disques jockeys et mes danseurs. Ok, le cadre est posé, laisse-moi poser 1, 2, 3, 4. Il me faut poser les jalons d'un nouvel opus. En plus, on va finir en beauté, on va péter le champagne. On restera des guerriers triomphants comme Charlemagne. Ne l'avais-je déjà pas dit, j'ai la niaque, j'ai la gagne. Je ne veux plus calmer mes ardeurs, j'ai la hargne. Non, je ne fais pas dans la pause, mais dans la prose combat. Toujours prêt pour la baston, génération Jordan. Mais amateur de Steph Curry, c'est 3-9, je pond une tuerie avec le sourire. D'amour je me nourris, mais de mes rimes je vous tuerai. Comme Nana Mouskouri, chantant au soleil, soleil, chanson obsolète. Fier Black Planet, Black Eskimo, Black Inuit, mais peu importe les mots. Car les gens ont toujours peur de la couleur noire. Noir est la couleur de ma peau. Désolé si je n'avais pas les mots. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Tous différents mais tous indigènes. Et Ben est la couleur de ma peau. Désolé si je n'avais pas les mots. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Yo. Tous différents, ouais. Mais tous indigènes, okay. J'écris sur du jazz rap, musique universelle, ouais. Enseignant les masses par cas individuelles. Mon discours est spirituel, c'est une prière. Jésus est ma sentinelle et Christ est ma lumière. Éclaire mon chemin sur un terrain miné. L'ennemi éliminé, il est déterminé à choper sa proie. T'es le gros miné. La foi est une arme, un style de vie que l'on ne peut mimer. Chacun est unique et chacun sa destinée. Savoir donner, moins recevoir, savoir pardonner. Paix à celui qui pour sa voix subit les supplices et béni. Soit celui qui est assoiffé de justice. Peace à ma famille, peace à mes ennemis. Tant pis si le nom de mon label dérange les intellos. Politiquement incorrect, Black Eskimo est le nom. Pour me rappeler d'où je viens et me rappeler où je vais. Noir est la couleur de ma peau. Désolé si je n'avais pas les mots. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Tous différents mais tous indigènes. Et Ben est la couleur de ma peau. Désolé si je n'avais pas les mots. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Tous différents mais tous indigènes. Rapprocher les êtres par des lettres portées par un mouvement marge. Éviter de grands courants pour avancer malgré les vagues. Que paix soit le message. Je vais voir l'amour dans les cœurs, des sourires sur les visages. Balancer des good vibes. Et si seul on est faible, j'avance avec mes frères d'armes qui ont le love pour clève. Les voix des sans-voilés, libres poètes respectueux de l'art. Les tics ne s'achètent. Marchant sur le fil du temps, donnant le meilleur de nous-mêmes. Honorer le passé, construire pour ceux qui succèdent. Chercher l'universel, où ils tendent par la prose. Laisser parler son cœur pour toucher celui des autres. Bâtisseur de ponts, artisan de paix. Bien des années dans le son, puissions-nous rester vrais. Jazz Inuit, que l'éternel conduise notre musique. Noir est la couleur de ma peau. Désolé si je n'avais pas les mots. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Tous différents mais tous indigènes. Et Ben est la couleur de ma peau. Désolé si je n'avais pas les mots. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Tous différents mais tous indigènes. Jazz Inuit. Jazz Inuit. Jazz Inuit. Jazz Inuit. Alpha Toshinesa, Jazz Inuit, excellent album de musique hip-hop que j'adore énormément. J'adore l'univers, le mood qu'on nous partage avec cet album-là. Donc, si vous voulez découvrir son univers, Alpha, A-L-P-H-A, et Toshinesa, c'est T-O-S-H-I-N-E-Z-A, Alpha Toshinesa. Faites ça sur les réseaux sociaux et vous allez découvrir un artiste vraiment exceptionnel. Très intéressant comme proposition musicale. J'en ai parlé un peu la semaine passée. J'en reparle encore parce que je suis content, je suis fier de voir ça. Sur ma page de Facebook, vous avez un petit lien là, qui est un petit Facebook Live de la part de l'équipe de Radio Cité 97.9, la radio du Grand Edmonton. Encore une autre fois, je regardais le clip et j'étais excité pour eux. Donc, vraiment là, très content d'avoir une nouvelle radio francophone au pays. Donc, bravo à toute l'équipe de Radio Cité 97.9, la radio du Grand, la radio communautaire du Grand Edmonton, oui. Et à la programmation, c'est un ami à moi que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ben c'est normal, il est à Edmonton maintenant, Monsieur Aki. Très content de le voir là. Et on va jouer, pourquoi pas, de la musique de Jean d'Edmonton, soit Postscript, Stéphanie Blais et Paul Cournoyer qui vont nous faire « Vie sans regret ». Par la suite, on va entendre Robert Walsh, qui est un réalisateur, musicien, accompagnateur, chanteur, excellent guitariste, qui a fait partie de la formation Allez West. Et c'est une pièce, fait une secousse que j'ai pas joué cette chanson-là, et je l'adore pourtant. C'est la pièce Lucidité de Robert Walsh. On va entendre ça dans quelques instants. Mais là, on y va avec Postscript, et comme je vous disais... très bonne chanson, Vie sans regret. Il y a un nouvel album qui s'en vient sûrement au printemps à suivre. Voici la formation Postscript d'Edmonton. Savais-tu que notre amour était parfait? Comme la terre et le ciel, on était toujours au point de franchir l'horizon. Comprends-tu que ce qu'on était a changé? À jamais ce moment est parti, comme la qui s'échappe d'un ballon. Vie sans regret et tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. Dans l'énergie, le sort sur nos vies, le poids et la peine, le sang dans nos veines. Oublie pas que la peur elle est timide, que ton avenir est flexible. Sont rendus invisibles. Tout ce que tu veux est possible, comme si chaque étoile illumine ton chemin. Vie sans regret et tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. Le sort sur nos vies, le poids et la peine, le sang dans nos veines. Vie sans regret et tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. j'ai perdu toute envie de sortir de la maison. Je prends refuge dans ma télévision. Les vignes d'ivresse ont perdu leur saveur. Ma bouche appelle une cigarette. J'ajoute le feu en ma santé. Pour un instant de lucidité, j'ai la mélancolique. Mes mouvements sont statiques. Jour après jour, jour après jour, tout se répète encore une fois. Je perds la tête. Les vignes d'ivresse ont perdu leur saveur. Ma bouche appelle une cigarette. J'ajoute le feu pour ma santé. Pour un instant de lucidité, je m'enterre dans mon lit pour fuir un autre lundi. Ma chambre est un navire empli de rêves qui apaisent. Qui m'apaise, fuir un autre lundi. De Robert Walsh, du bonbon pour les oreilles, très bonne pièce, très entraînante, beau groove jazz, vraiment intéressant. Donc, c'est un gars qui est très talentueux, originaire de Eastman au Québec, s'est promené un peu partout, s'est retrouvé à Toronto à un moment donné, guitariste pour Alpha Zappa Costa, un artiste très populaire dans les années 80-90. Aussi, du côté de l'Alberta, il a travaillé avec, entre autres, Allée West, travaillé avec Pierre Sabourin, avec Marie-Josée Ouimet. Donc, très bon guitariste, gars très sympathique, M. Robert Walsh. On a le temps d'une dernière petite chanson, mais juste avant, vous parler de l'artiste comme tel, auteur, compositrice, interprète, qui connaît surtout une carrière anglophone. René Lamoureux est en nomination, deux nominations, au prochain Manitoba Country Music Award qui auront lieu le 10 novembre prochain. Et elle est en nomination pour un prix là, au niveau de la musique aborigène. et aussi comme artiste féminin de l'année. Donc, deux belles nominations pour René Lamoureux au prochain Manitoba Country Music Award. On aura les résultats le 10 novembre prochain. En ce moment, elle a transcrit ou adapté une chanson anglophone de son répertoire en français. Ça s'appelle « My Boo », mais c'est en français. Vous allez voir, très intéressant. J'adore son beau country folk, assez bien fait. J'aimerais bien qu'elle nous fasse un album en français. Elle a une excellente voix. On l'écoute. Voici René Lamoureux, « My Boo ». Je te regarde, tout est simple, la vie est belle, je le sais, c'est. Je n'ai pas besoin, je n'en manque de rien. I'm going with the flow. Je dis merci pour tous mes amis, bien entourés, le soleil clair tous nos matins, avec toi à mon côté, ton beau sourire, la la la. Les pieds plantés à terre, j'ouvre les bras et garde mon cœur. J'ai goût de danser pour célébrer la vie. Chaque jour te mène dans la mienne, reconnaissant pour tout ce que tu m'amènes. Y'a rien de mieux que toi. When I lay down beside you, my boo, my boo. When I lay down beside you, my boo, my boo. On marche ensemble, tout est clair. You're my sweetheart, c'est mon bonbon. Tu fais partie de moi, de mon histoire. You're solid, go, go. Je ne vais pas reculer devant les défis. On en perd, on en gagne. Non, je ne laisse pas notre amour tomber. Notre flamme va toujours brûler. Nos yeux scintillent. La, la, la. Les pieds plantés à terre, j'ouvre les bras et grand mon cœur. J'ai goût de danser pour célébrer la vie. Chaque jour te mène dans la mienne, reconnaissant pour tout ce que tu m'amènes. Y'a rien de mieux que toi. When I lay down beside you, my boo, my boo. When I lay down beside you, my boo, my boo. Les pieds plantés à terre, mm-hmm. J'ouvre les bras et grimpe mon cœur, mm-hmm. À chaque jour ta main dans la mienne, reconnaissant pour tout ce que tu m'amènes. Y'a rien de mieux que toi. When I lay down beside you, my boo, my boo. When I lay down beside you, my boo. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le choix musical vous a plu. J'espère que vous avez peut-être fait des découvertes et que vous allez vous procurer le produit des artistes qui vous ont fasciné aujourd'hui. Je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean, Terre-Neuve, Labrador. CKJM Chéticamp, OuiFM 98, Halifax. CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, oui. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba. CFRG Gravelbourg, Saskatchewan. CLS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yolonaïve, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Le thème qui vient de commencer, j'ai à peine 20 secondes pour vous dire une seule chose que je dis tout le temps chaque semaine. Mais c'est vrai, c'est vrai. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important. Ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock. Bye bye!